C'est pas ça que t'as besoin. L'homme ne le sait pas. Son cerveau n'est pas encore assez muté. Puis à un moment donné, le contact se fait, la clé se tourne. Puis là, on découvre que tout ce qu'on savait est faux, est vrai. Que tous les points de vue sont faux, est vrai. Puis que les questions que j'aurai à me poser, je serai le seul à pouvoir me répondre. Alors, il y a une crise intéressante au niveau de l'évolution, c'est qu'on ne veut plus se poser de questions. Mais en même temps, on sait qu'on doit répondre à des questions. Et c'est pourquoi on a besoin du public. C'est pourquoi on a besoin d'autres humains. Et ce besoin fait que les autres humains nous posent les questions qu'on n'ose pas se poser. Mais nous, on ose répondre ce qu'eux autres n'osent pas se répondre. Cela engendre un échange d'énergie valorisant, intéressant, nourrissant. Logique. Jusqu'au jour où la personne n'a plus besoin de faire de conférences pour elle-même. Ce qui est mon cas. Depuis novembre 86, je n'ai pas besoin de faire de conférences pour moi. Je le fais pour une autre raison. Mais d'étape en étape, elle devient intéressante. À travers ce que j'ai dit, j'avais deux messages à passer, ils sont passés. Alors, on passe à une question. On peut quand même creuser sur celle-là un peu. Ah oui, on peut triper dessus un peu, oui. C'est que, tu sais, tu décris un processus d'un égoïsation ultime, tu sais, c'est ce que tu décris là, la souffrance, là, la perception du vide, c'est l'ego qui exprime ça. Qu'en est-il d'une entité comme Aurobindo qui a quitté son corps puis qui devait être à quelque part en entour de la planète puis qu'il devait y avoir des rapports vibratoires potentiels? Tu sais, je veux dire, il y avait un vide, mais en même temps, il devait y avoir des rapports, ne serait-ce que télépathiques ou énergétiques, avec d'autres formes d'entités intelligentes qui devaient paramétrer quand même ton processus de négociation. Aurobindo, lui, lorsqu'il est mort, c'est que son corps physique n'était pas capable de le supporter. Mère aussi. Dans le plan supramental, Aurobindo a maintenant un corps mortel. Il n'est pas encore réincarné, Aurobindo. Il attend de rencontrer une biologie physique qui pourra le supporter. Mais qu'en est-il de ces entités-là? Ils sont dans le monde mortel. Quel est le rapport du monde mortel dans un processus fusionnel? Dans le plan mortel, tu n'as aucun contact. Enfin, au niveau de ces entités-là, ils n'ont aucun contact. Ils sont absolument seuls. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de ciel, il n'y a rien. Et à un moment donné, ils vont sentir comme un courant d'air qui va les tirer. Ils vont aller vers le néant, vers rien, jusqu'au moment où ils vont s'apercevoir qu'ils ouvrent les yeux. Et ils sont sur la terre dans un corps humain. Dans le plan morontiel, pour qu'un être humain puisse aborder son double éthérique sans cogner le monde de la mort, le monde de la mort, il a plusieurs raisons au niveau support. Et dans le plan morontiel, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, foutrement rien. Dans le plan morontiel, si ton dôme éthérique n'est pas fusionné, ton corps physique, tu n'entres pas en contact avec d'autres entités dans le plan éthérique. Tu es en stand-by avec toi-même et rien d'autre. Il ne reste que ta conscience. C'est le monde de la vie sans corps. Et sans corps, tu ne peux pas voir ton paramètre. Ne voyant pas ton paramètre, à part la conscience qui ne peut pas être prouvée. Parce que là, tu peux prouver que tu as conscience, tu as aussi le paramètre. Mais juste la conscience avec rien, c'est bien. Mais une conscience avec rien peut-elle exister puisqu'il y a sa part? Elle ne peut pas exister, elle existe. Mais la conscience s'exprime en fonction d'une identification même subtile à des traces mémoriales. Conscience de l'ego. L'instantanéité dans le double éthérique est une conscience instantanée. Elle n'a pas besoin d'expérientiation pour être consciente. Mais elle n'a aucun paramètre. Elle est le néant. Le néant conscient. Est-ce qu'une conscience dans cette position-là souffre? Non, sûrement pas. Parce que lorsque l'énergie est suffisamment orchestrée pour pouvoir prendre possession d'un double éthérique, l'individu, il est suffisamment parfait pour pouvoir se foutre. Il sait qu'il est là. Et ça le suffit. Il n'a pas besoin de l'extérieur. Il est individuel. Sinon, il ne pourrait absolument pas vivre cette phase. C'est pourquoi l'âme va dans le monde de la mort. Et se fusionner, juste dans le monde de la mort, c'est encore physique, c'est pas supportable. fusionner à tout ce qu'il y a là. Et là, ça marche. La gang, c'est moins pire. On passe à une autre question. Là, je constate. J'ai déjà fait le séminaire sur la colère mentale. Tu parles de double anti-homme. Est-ce que le phénomène que Guy de Maupassant appelait le Orla, est-ce ce phénomène? Je suis conscient de ce phénomène vivant qui est moi dans une partie basse. Il m'arrive aussi de sentir l'énergie de mon père. Cela rassure l'ego, mais ne dure pas. Entre les deux, il y a moi humainement. Je sens que le phénomène anti-homme me sabote littéralement, mais je me sens impuissante face à une telle force. Je n'ose pas faire une colère mentale car je crains de manquer d'énergie et d'être bouffée par lui. Est-ce que je deviens folle? Tant qu'on peut poser la question, c'est qu'on n'est pas fou. Bon. Or là, ce n'est pas l'anti-homme, c'est la conceptualisation émotivo-spirituelle des anticoncepts de l'évolution. La colère mentale n'a pas bouffé personne jusque là. Pourquoi? Parce que la colère mentale, elle amène de l'énergie. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? C'est l'autorité mentale dans le monde astral. L'autorité mentale fait partie d'un processus d'évolution qui est inhérent, disons, qui est collé au PMC. Mais il y a encore personne, à peu près personne, qui a pu y goûter convenablement parce que les personnes ne sont pas prêtes. La parole juste, la voix juste. La colère mentale 1 et la colère mentale 2 va amener énormément de choses. La personne ne risque pas de manquer d'énergie, pas de la façon dont on orchestre les choses. Ce n'est pas dangereux. Même si cela peut créer des choses. Elle est sécurisée par certaines formes qui l'habitent. C'est intéressant au niveau d'ego. La colère mentale va débarrasser la personne de ces choses-là ou les fusionner à elle. Mes pensées sont de plus en plus floues. Mon cerveau semble être de plus en plus engourdi. Comment lutter contre cette absurdité? La colère mentale est-elle la solution? Colère mentale, ce n'est évidemment pas la solution miracle. Elle va servir à certaines choses, c'est un outil majeur. La personne ici, elle se sent floue, son cerveau, parfait, c'est beau. Elle est en phase mutatoire, elle a besoin d'un break, elle a besoin d'un repos. Et je répète souvent que lorsque la personne a l'impression que les choses s'empirent, c'est que les choses s'améliorent. C'est bien con. Elle manque d'énergie présentement parce que l'énergie est canalisée vers des régions mutatives de son corps physique. Elle a besoin de toucher des choses vivantes, de manger de l'énergie vitale, d'obliger sa circulation à s'accélérer. Chaque fois que l'on sent l'énergie sur son corps, on en puise dans l'atmosphère en même temps. Elle a aussi besoin de repos. Je m'initie par stagnation depuis toute ma vie et ça écœure la partie en moi qui veut évoluer. J'ai le temps de mourir 3 fois et vous aussi, de vieillir avant de muter. La preuve, c'est tous ces gens assis devant vous. Pourquoi quelqu'un en moi a-t-il le sentiment d'avoir raison d'être poussé? La personne présentement aura besoin de 3-4 coupies au cul. Je m'initie par stagnation depuis toute ma vie. Et ça, c'est tout à fait faux. C'est qu'elle a vraiment, elle a un concept tellement farfelu de ce que c'est que l'évolution qu'elle a l'impression qu'elle stagne. Ça écœure la partie en moi qui veut évoluer. Non, ça écœure la partie dans la personne qui comprend foutrement rien à l'évolution. C'est comme la graine qui se dit « Sacrableux, je suis pas un arbre. Qu'est-ce qui se passe, hostie? » Ah ouais, ben non, t'es une graine, pas un arbre. J'ai le temps de mourir 3 fois et vous aussi de vieillir avant de muter. La preuve, c'est que tous ces gens assis devant vous. La personne n'a vraiment aucune idée de ce que c'est que l'évolution. Elle a de l'ego en masse. Elle pense que l'évolution est individuelle. L'évolution se fait au niveau des races. L'évolution, elle est cosmique. Pas individuelle. Tous ces gens assis devant vous. Ça ne m'empêchera pas d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Ça, c'est d'ailleurs ce qui me permet d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Pourquoi quelqu'un en moi a-t-il le sentiment d'avoir raison d'être pressé? C'est évident. Une personne pressée a toujours l'impression d'avoir raison d'être pressée. C'est l'orgueil. Bon comme je suis, si boire, pourquoi c'est si long? C'est parce que tu n'es pas bon comme tu penses que tu es bon. C'est de l'orgueil. Moi, j'ai été pressé à un point tel que je ne pouvais supporter aucun maître, aucun conférencier, aucun livre, rien. En même temps, lorsque j'étais jeune, je rêvais de pouvoir tous les lire d'une claque, les livres. Et je voyais le monde vieillir et mourir. J'avais 8-9 ans, puis je me disais que moi aussi, ce ne sera pas long. Alors, je l'ai dû chercher, le nirvana, le monde astral. Je l'ai dû chercher, la chose. Puis, à un moment donné, dans une ambulance, j'étais à niaiser. J'appelais ça évoluer à l'époque. Je suis tombé sur un livre, j'ai ouvert la page, et ça disait simplement, un coucher de soleil est un coucher de soleil. Là, je suis parti à rire. J'ai tout crissé mon passé à l'extérieur, puis j'ai ri pendant 2 semaines de temps. Est-ce que j'évolue par stagnation? Non. Je pourrais égoïquement dire ça. Je préparais le terrain. Ce fut le temps. On n'a aucune raison d'être pressé. Plus vous serez pressé, plus ça va prendre de temps. Et ça, vous pouvez en être sûr. La porte a souvent tirant. Quand on est pressé, on pousse dedans. Plus on est pressé, plus on pousse pour sortir. Puis on ne comprend pas que ça ne marche pas. Personne, quelqu'un en moi, a l'impression d'avoir raison d'être pressé. C'est sûr. La preuve qu'il a raison d'être pressé, c'est qu'il vit toute sa vie en stagnation. Continuer à être pressé, continuer à stagner. Alors, si la personne pense avoir raison d'être pressé, pourquoi stagne-t-elle? Les choses viennent comme elles viennent. Comprenez l'intelligence d'un agissement. Ne soyez pas pressé de l'accomplir. Comprenez-en l'intelligence. J'ai faim. Et je suis prêt, là, je suis pressé, là, il faut que je mange. Comprends l'intelligence de la faim, puis va manger. Ouais, mais c'est bien long. Ça ne changera rien à rien, hostie. Continue à vouloir aller manger, puis contente-toi de tout ça. Ouais, mais donne-moi le fret, tu ne digéreras pas. Ah, mais j'ai trop faim. Ben, enfin, on va te donner des formules magiques, on va te donner de l'information qui va te détruire la santé, qui va te rendre malade, puis qui va crisser ton ego à terre, puis qui va te rendre fou. T'es pressé. Quand on est pressé, on mange chez McDonald's. Mais on n'aura pas l'état de santé que quand on mange des places où c'est un peu plus long. Ça règle la faim, mais ça ne règle pas l'alimentation. On a presque tous, en tant qu'humain, une partie luciférienne qui veut crisser son camp d'ici pour retourner au plus sacré d'où elle vient. C'est elle qui est pressée. Elle oblige l'humain à vouloir évoluer, tandis qu'il y a une partie satanique qui plug l'humain dans la matière. Elle l'oblige à jouir de la vie. On ne peut pas vouloir être pressé, on est compressé. Ayez faim. Comprenez en intelligence, sachez qu'on doit manger. Être pressé ne changera rien. À part peut-être digérer plus mal. La patience. C'est bon, la patience. De la volonté. La patience a fait que celui qui est patient a toujours plus vite que celui qui est impatient. La patience ne t'empêchera pas de courir pour aller aux toilettes. Mais l'impatience va faire que tu risques de pisser en courant. Mais la patience est liée au fait que l'homme n'a aucun libre arbitre. Exactement. Les choses vont bien, vont venir quand ils vont venir. Tu sais, ton auto est à réparation, tu es impatient. Bon, mais quand va le mécanicien te donner, il va te donner. Ça ne sera pas fini. Ici, sur la volonté, on dit de la volonté, c'est une puissance se manifestant par l'ordre, l'organisation, la précision. C'est une force qui accomplit une programmation intelligente. C'est sans peur ni désir, c'est pas en compétition avec l'amour ou l'intelligence. C'est le corps... Tu fais pas de commentaire, non? Non, non, c'est un bon commentaire. Okay. C'est le corps physique qui est limitant. Il faut manger, boire, dormir. Si on ne l'avait pas, on se libérerait vite de l'astral. C'est pour ça que c'est lui qu'il faut muter. Le corps physique n'est pas limitant, c'est le corps physique qui est salvateur. Pas de corps physique, pas d'évolution, pas de conscience, pas de rétention, pas de régression, bref, aucune évolution. Le corps physique, c'est la chose la plus perfectionnée à travers tous vos corps. Il est plus puissant que le corps supramental, plus puissant que le corps mental, que le corps astral, que le corps vital. Est-ce le corps physique qui limite ou le monde dans lequel il vit? C'est une assez bonne question. Le corps physique n'est pas un problème. Une personne qui a un véhicule automobile et qui s'esquinte toujours les coudes à sortir par la fenêtre, elle trouve que l'automobile est un assez de problème. Et quand elle va savoir qu'il y a une poignée de porte, ah! Puis en plus, elle se rend compte qu'il faut qu'elle pousse le petit char. Quand elle va découvrir qu'il y a une émission des pédales, des moteurs et tout ça, tant qu'on ne connaît pas notre corps physique, tant qu'on s'en sert simplement comme véhicule de reproduction, puis d'alimentation, puis de sécurité, c'est sûr que ça paraît comme un problème. Le corps physique, ce n'est pas un problème. Le muter, c'est quoi? C'est pas éliminer le corps physique. C'est de permettre à des parties de nous autres d'apprendre à contrôler différemment le corps physique. Et là, on donne une liberté à l'ego, au plan évolutif, pas au corps physique. Le corps physique, il s'en fout. Conscience n'est pas assez grande pour avoir un problème. Si on ne l'avait pas, on se libérerait. Tout le monde se fend le cul pour se réincarner à travers vous autres, c'est parce que le corps physique, ils n'ont besoin d'esti. On est libre quand on est en vie. On est libre dans un corps physique. Le corps physique est un problème parce qu'il peut être malade, peut être trop gros, trop maigre, trop grand. Mais c'est l'ego qui le voit comme ça. C'est l'ego qui a un problème, pas le corps physique. Un corps physique n'est jamais trop gros, trop petit, trop laid, trop ceci, trop cela. C'est l'ego. Ouais, mais j'aimerais courir, puis je peux pas. C'est ça. Mais aime ne pas vouloir courir. Ton corps va être impeccable. C'est sûr qu'on doit l'améliorer. Mais l'améliorer, s'il est améliorable, c'est qu'il n'est pas limité. La psychologie s'en sert mal, puis elle le décrit au complet. Ben, OK. L'ego est bien plus un problème que le corps physique. La mutation du corps physique amène un contact avec le mental, acheté au plan supramental, ce qui libère le corps physique du corps physique ou de la matière, en le libérant de l'ego. C'est pas le corps physique le problème. Avoir un muscle, prendre la terre, un mois. Devenir un égoïque, il faut un maudit paquet de coupes au cul. C'est plusieurs vies. Le problème, ce n'est pas le corps physique. Daniel, l'argent appartient-il au haut astral? Est-ce le meilleur moyen de manipuler l'homme, de le rendre pauvre, riche moyen? Est-ce que l'argent disparaîtra en même temps que l'astral? Parle plus souvent de l'argent. Si tu nous veux riches, comme tu le dis, et non des serviteurs de l'argent, sinon on reste des tampons affreux, suitement vôtres. L'argent, cela ne provient pas du monde astral. Par contre, le besoin d'argent provient des mondes astraux dans la majorité des cas. La sécurité financière provient du monde de la mort aussi. L'argent, c'est de la matière. L'intelligence qui se sert de la matière s'en sert convenablement et elle n'en souffre pas. L'absurdité qui veut se servir de la matière aura des problèmes de sécurité et des problèmes financiers. Parle plus souvent de l'argent. Ouais. Si tu nous veux riche, je ne vous veux pas riche. mais il serait intéressant que vous le deveniez. Mais pour devenir riche, il faut certaines choses, certaines conditions, des attitudes, comprendre aussi l'onde de forme dégagée par certaines choses. Il y en a qui, depuis qu'ils font le PMC, se sont enrichis, malgré le prix des cours. Il y a des choses qui marchent. Si je ne veux pas que vous restiez les serviteurs de l'argent, des tampons affreux, ben, faites votre job aussi, parlez-en donc de l'argent. Là. Ça va être intéressant. Il y a toujours des individus qui ne comprennent pas le phénomène. Présentement, je travaille avec des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui sont en train de devenir riches. C'est préférable de travailler avec l'élite. Comme ça, il n'y a pas toujours une personne ou deux dans l'eau qui vient nous dire qu'on est des avares, puis qu'on est des ceci, puis qu'on est des matérialistes. Être matérialiste, c'est haïr l'argent, haïr la matière. Être matérialiste, c'est en avoir besoin. Mais demandez à quelqu'un qui vous traite de matérialiste s'il est prêt à laisser son corps. Il va répondre, non, tu ne veux pas mourir, non, c'est une crise de matérialisme. Ou on va répondre que c'est pas pareil. Avoir de l'argent pour bien manger, pour s'entretenir, pour voyager, pour tout faire, ben c'est la même chose que faire consommer son corps. L'argent, j'en ai parlé souvent, il y a toujours des gens qui sont frustrés. On va en reparler. Puis ceux qui sont frustrés vont être de plus en plus frustrés parce qu'ils vont voir que du monde à côté d'eux qui ont apparemment de plus en plus d'argent. Mais il y a des choses que l'homme doit faire. Et connaître ces trois paliers pour cesser de se piler ses pieds, ben c'est une maudite bonne chose. Je comprends l'intelligence de l'argent, ça me fait chier l'argent. Bon, mais commence par séparer les deux, là. Nomme les deux formes, puis maintenant, tu apprendras à t'instruire. Et ça va venir, on va en reparler. Je voudrais revenir sur un point. Vas-y. Reviens. Comment ça se fait que deux phénomènes supramentaux ne sont pas capables de travailler en collaboration? C'est typiquement québécois, là. Ben ouais. Le phénomène supramental est typiquement québécois. Parce que toi, tu exprimes l'intelligence à la façon de ton corps physique. Tu as encore de l'ego qui mémorise. L'ego recherche la facilité. Alors, il reçoit l'intelligence supramentale, il expérimente, il en fait une forme, puis il essaye de rester comme ça, de ne plus changer. Comme des personnes ici qui donnent des cours, puis à un moment donné, ils donnent un petit bon cours, ils prennent plein de notes pour commencer les mêmes cours. Puis ils se font fourrer bien raide. Une autre personne vit la même chose. Si tu la rencontres et s'il te rencontre, les deux égaux vont essayer de copier l'autre. Puis là, ben là, laisse plus ça, là. Rencontre-le pas, puis reste dans ta marbre. Tu exprimeras toujours l'intelligence comme toi tu l'as à l'exprimer. Le gars qui veut composer une chanson, il sort sa feuille, il ne sait pas quoi composer comme chanson. Fait qu'il écoute trois, quatre chansons, ben il est sûr de copier les chansons. Il est fait. Tu veux écrire un roman, lis-en pas avant. T'es fait. Tant que ta fusion n'est pas réellement en opération, tu ne pourras pas rencontrer quelqu'un d'autre. Peut être coloré. Ce qui veut dire que ceux qui sont susceptibles de fusionner dans une démarche de PMC, automatiquement, vont vivre le phénomène de répulsion vis-à-vis toi à un moment donné. C'est évident. Puis s'ils sont plugués à l'astral supramental, ils vont même m'haïr. S'ils sont plugués du bon côté du contact, ils vont me respecter. Puis moi, puis les autres, on va comprendre qu'on n'a pas à se voir trop souvent. Mais de temps en temps, on va pouvoir se côtoyer pour faire certaines choses, mais c'est évident que c'est différent. Quand moi, j'aurai ma fusion complète, je ne serai plus un danger pour eux, ils ne seront pas un danger pour moi. Mais entre eux, ils vont avoir des problèmes. C'est normal, sinon on se colore. C'est pas grave d'être coloré dans le début, le temps que tu montes. Mais c'est bien mieux d'être coloré par quelque chose d'intelligent que d'être coloré par une farce. Mais c'est pas grave. Mais à un moment donné, tu deviens de plus en plus toi. Et puis, c'est parfait. Puis, à un moment donné, bien, on va travailler peut-être en collaboration, mais sans nécessairement se voir. C'est-à-dire qu'on pourrait travailler ensemble à l'exclusive condition que tu ne me poses pas une seule crise de questions. Ça veut dire que tu ne viens plus à mes conférences ni à mes séminaires. On peut travailler ensemble. Mais tu ne me poses pas de questions, je ne t'en pose pas non plus. On marche. On peut parler ensemble. Moi, je dis quelque chose, tu dis quelque chose, je dis quelque chose. On ne se pose pas des questions. Et tu ne viens pas à mes conférences, tu ne viens pas à mes séminaires, quand on est rendu là. Mais quand on est rendu là, ça veut dire que tu es capable de répondre aussi à n'importe quoi. Sinon, c'est ton ego qui te prend au sérieux et qui te fait fuir un cheminement convenable. Ce qui veut dire que les conditions de l'exercice d'un plan concerté, c'est encore assez éloigné dans le temps, tu sais, je veux dire, dans un temps relatif par rapport à ce qui pourrait s'exprimer comme mécanicité supramentale sur la planète, puisqu'il y a deux phénomènes au Québec. C'est loin, mais c'est proche. Tout est exponentiel au niveau des courbes d'évolution. Alors, le temps du passé, tu ne peux jamais t'en servir pour connaître le temps qui va venir. Parce qu'il peut s'accélérer compte tenu de la masse. Il s'accélère. Il est exponentiel. 2, 4, 8, 16, 32, 64, ça va plus vite. Qu'advient-il de ceux qui gravitent alentour d'un phénomène de fusionnel, des consciences qui gravitent? Est-ce que si, en cours de processus, une conscience meurt, est-ce qu'elle fait partie de la fusion, de la mécanicité fusionnelle de l'antenne? Non. Autrement dit, suicide-toi pas, ça vaut pas la peine. Je te ramasse. Okay. Donne une technique efficace pour conscientiser les trois paramètres qui nous habitent. Sont-ils dans trois dimensions différentes? C'est ce que je vais faire lors du séminaire, sa colère mentale. Puis je ne dis pas ça pour que les gens s'inscrivent au séminaire, c'est parce que ça va prendre ce temps-là pour le faire. Ça, c'est pas comme ça. Dans la parole du maître, on utilise notre prénom. Je suis mon prénom, alors le prénom que je porte est-il l'attelé de mon réservoir ascendant conscient, n'est-ce pas? Ou celui qui est bien connu par le monde astral? Si elle le prononce mentalement sans problème, c'est son réservoir ascensionnel. Si elle le prononce émotivement, ça sera encore à élucider. L'ajustement par en bas est toujours devoir n'être pas ce qu'on est. Est-ce ne pas se respecter? Il y a beaucoup de négations là-dedans. C'est ne pas se respecter. La première façon de savoir si on se respecte, c'est que si moi je vous astine puis vous m'astinez, vous vous respectez sans doute plus que jamais. Si j'ai raison puis vous le voyez, comprenez-le. Là, vous vous respectez encore. Mais quand moi je dis quelque chose, je fais souvent le test au niveau des séminaires, le séminaire PMC1, puis prochainement mon séminaire tout court. Une personne, je lui demande, est-ce que vous êtes heureuse? Elle me dit oui. T'es heureuse? Ben, pas tout le temps, là, mais... Es-tu heureuse ou non? Ben non. C'est ça. Elle se respecte pas, mais alors là, zéro. Hein? Oui. Non? Donc non. Se respecter, c'est au moins d'être capable de supporter. Puis si je lui explique qu'effectivement, il y a un problème, bien, si elle le voit, qu'elle change d'idée. Mais là, elle change d'idée parce que je mets d'énergie. Se respecter, c'est déjà ça. Daniel explique la différence entre l'homme est beau, on est heureux, on est beau et on est manipulé. Trois différences. Bon, on est beau, c'est émotif, on est heureux, c'est une farce, puis on est manipulé, c'est une réalité. Vu qu'on est manipulé, on peut se passer beau, quand le temps qu'on se trouve beau, on ne cherche pas à voir les problèmes. On est heureux, bien, le temps qu'on est heureux dans notre merde, on ne cherche pas à s'en sortir, voilà. On est manipulé, bien oui, on est manipulé. On est même manipulé à apprendre qu'on est manipulé, juste pour vous dire comment on est manipulé. Je paie pour me confronter. Je paie avec eux pour m'apercevoir que je ne peux pas grimper à une corde. Personne ne me motive à payer et je n'ai pas besoin qu'on me motive à continuer de payer. Ton énergie, je l'attêterai aussi longtemps que ça conviendra. Je ne t'entêterai pas plus que tu m'entêtes. Correct, ça. Je parle, je découvre que je sais ce qu'il faut faire. J'en parle à autrui, ainsi je m'instruis. Grand parleur, petit faiseur, quand vient-il le moment où l'on applique intégralement ce que l'on sait? C'est très important d'accepter d'être une grande gueule puis un petit faiseur. Ça commence par la parole quand même. Mais sachez que vous êtes un petit faiseur, comme la personne le sait. Puis c'est pas grave. Parce que la parole, elle provient du mental. Nécessairement, le temps physique et vital et astral n'est pas le même temps. Grande gueule, je le fais pas, je le fais pas. Je le sais que je le fais pas, mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez. T'sais. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Puis à un moment donné, bien lentement, les choses s'incorporent. Combien de temps ça prend, ça n'a rien à voir. Mais acceptez d'être des grandes gueules pour être vous instruire. Fermez vos grandes gueules quand c'est pour vous parler, pour vous inventer. Puis que vous ne fassiez pas tout ce que vous savez, puis ce que vous conscientisez, puis ce que vous intelligencez par la parole, c'est normal, naturel, c'est pur. C'est pour ça qu'être pressé devient un danger, parce qu'on en souffre en maudit. Continuez à avoir de la gueule, le temps astral va suivre, le temps vital va suivre, le temps physique va suivre. Mais ils seront toujours décalés. Tant qu'il n'y aura pas une fusion qui va faire en sorte que tout ça soit une chose. C'est important. Vendredi prochain, les mécanismes de la télépathie et de la téléphatie. Ça vous intéresse. En attendant, amusez-vous!